Ufunuo sura ya tatu. J'ai pris presque déjà 15 minutes. Badakika Dieu nous aidera. Mungu atusaidie. Apocalypse chapitre 3. Ufunuo sura ya tatu. Verset 17. Mais à la maison, prenez 14 jusqu'à 22. C'est l'âge, la prophétie concernant l'âge de l'Odyssée. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, mnyonge, pauvre, mashikini, aveugle, kipofu, et nu. Na mutupu. Notre sujet de la semaine, Shinaitua Juma, nous le tirons du verset 17, parce que tu ne sais pas. Sababu aujue. Pouvez-vous asseoir. Nazukala. C'est un sujet que Frère Branham a prêché. Nishina, il est dubana marubiri. Et tu ne le sais pas. Na aujue. Et tu ne le sais pas. Na aujue. Sermon prêché le dimanche 15 août. Barubiri, dimanche, le 15 août 1965. 1965. Le matin à Jeffersonville. Asubuhi, kule Jeffersonville. Eh bien, ça fait plus d'un mois et demi. Kuna kuya mwezi mwana kipande. On a reçu beaucoup, beaucoup de choses de la part des hommes de Dieu. Aussitôt que Frère Mundo a fini, laisser échapper la pression. Pale nduku Mundo arisha mwachi kusonga kutoka. Le frère Deborah est passé avec un très bon message. Ndugu Deborah aripita na ujumbe mzuri. Et l'accent était mis sur la nouvelle naissance. Na alitia mkazo kabisa yule wa kuzaliwa mara ya pili. Après le frère Deborah, kisha nduku Deborah, il y a eu le frère Kali, nduku Kali akuya, avec un bon message aussi, naye na ujumbe mzuri, possédant les portes de l'ennemi, mwenye kushika mlango wa adui. Il y a eu le frère Malale, nduku Malale, avec un très bon message aussi, vous l'avez suivi, na ujumbe mzuri. Il y a eu le frère Kizabi, nduku Kizabi, et en fin de compte, na mwisho wa yote, le frère Kabou, nduku Kabou, frère Grace Kabou, justement, nduku Grace Kabou. Et dans tous ces sermons, vous devez avoir remarqué, mwima ubiri yote kama unaangalia mzuri, le Saint-Esprit mettait trop d'accent Mtakatifu alianza kutia mkazo kabisa sur l'expérience chrétienne véritable. Ya onjo ya Kikristo ya kweli. Pourquoi? Tu as nini? Nous sommes dans un âge tuko mkizazi kimoya, un âge très problématique. Kizazi kya mambo sana. Un âge trompeur. Kizazi kya udanganifu. Et j'ai compris, même moi personnellement, na atami kwa upekee nililewa kusema, il est vraiment impérieux, ni amafa kabisa, obligatoire, ya lazima kabisa, lazimishwa, que chacun puisse s'inventorier, kila mtu apate kushimama ajangalishishe, s'arrêter, ashimame, se poser, retourner la pierre dans tous les sens. Kwanza kugeuza kitu mumangambo yote. Regardez bien, examinez bien ta foi. Uangalishishe mzuri imani yako. Pour vraiment être sûr et certain. Njuu ya kuwa na uhakika. Que tu es un candidat du Seigneur pour l'enlèvement. Ya kusema na we umwenye uchakuliwa ajwa kunyanyuliwa. C'est un âge trompeur. Ni kizazi kya bongo. Parce que les fausses choses marche intimement avec vraie chose. Sababu bitu ya bongo binatembea pamoya na Satan ya kweli. Est très proche de la vérité. Shetani anesha kuchofa karibu sana na ukweli. Amen. Amen. Nous devons faire très attention. Na tunapasha ukiba angi kabisa. Commençant par celui qui prêche. Kwanzia pa kwa ule na ubiri. Celui qui se dit être conducteur. Ule unejita asema mini kumongozi. Peu importe le nombre d'années passées dans l'assemblée ou dans le message. Aizuru miaka lishapitia mujumbe wala makutano fulani. Nous devons faire très attention. Tunapasha shikusopoka kabisa. Les hommes de Dieu ne viennent pas tout simplement parce qu'ils ont le plaisir de voyager. Non. Batumisha Mungu bakuye tu asema njube na furaha bo kwanza kusafiri. Il y a toujours un poids dans le cœur. Kunekala paka bujito mwa ndani ya moyo. Que le Saint-Esprit fait ça. Rome takatifu na favile. C'est pour que le Saint-Esprit lui-même passe à l'œuvre. En communiquant quelque chose de la part de Dieu au peuple de Ninju, Dieu. Rome takati finge mukazi, njo akuleta kitu kimoa kwa toto wa Mungu, kia kutokia kwa Mungu. L'âge est tellement trompeur. Kizazi, kiu kia udanganifu kabisa. Que tu peux faire des expériences alors que toutes ces expériences sont encore superficielles. Unaweza kufanya maonjo, japo ile maonjo yote, ni ayululu tu. Oui. Voyez, nous vivons en un temps où Dieu a tellement révélé beaucoup de choses que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous savons que quelqu'un peut avoir beaucoup d'émotions, quelqu'un peut pleurer, il peut crier, se rouler par terre, expérimenter de grandes guérisons, prier sur un cas impossible et les miracles s'accomplissent. Quelqu'un peut avoir une vision, quelqu'un peut avoir une prophétie, quelqu'un peut avoir fait longtemps dans l'assemblée, occupé même de fonctions de pasteur, d'ancien ou que sais-je encore. Toutes ces choses-là, mais sans au préalable être né de nouveau. C'est très dangereux. Il est ni atari, mais c'est la vérité. Mais lakini njo kweli. Alors, comme nous sommes du nombre de ceux-là qui entendons ces avertissements. Et regardez à la lumière de la prophétie concernant l'âge de l'Odyssée. Mukona kile unabia la inangarama kizazi ya Laodikia inasema. Voyant ce que la prophétie de l'âge de l'Odyssée a dit. Regardez bien depuis le verset 14 jusqu'au verset 22. Le prophète de l'âge nous dit ceci. C'est le seul âge de tous les sept âges qui n'a pas eu d'éloge de la part du Seigneur. Kile Mungu akutape hata kidogo. Il n'y a pas eu vraiment d'éloge. Mais par contre, lakini, c'est remarque sur remarque. Ni makemeo yula remarque sur remarque. Makemeo yula c'est un âge vraiment orgueilleux. Kizazi, kibatu akiburi kabisa. Et cet orgueil na ile kiburi, n'est pas resté seulement avec ceux du dehors. Aikubake tu wana bainji. Ou ceux des dénominations. Voilà, l'orgueil est même entré parmi ceux qui se disent peuple de Dieu. Lakini kiburi kilingia na katikati ya bali walichosema watumishi wa Mungu. Et quand vous lisez, na kama unasoma, vous allez comprendre que c'est vraiment très dangereux. Mtelewa kusema ni hatari kabisa. Vous allez constater. Utaona kusema que c'est un état très grave. Ni hali moya ya mbaya kabisa. Les gens ne sont pas 100% du côté du Seigneur batu abana bote ko ngambo ya Bwana ou 100% du côté wala, de Satan katika utele ko ngambo ya Satan. Les gens sont à cheval batu beu katikati. Ils prennent un peu du côté du Seigneur aneba kidoku kwa Bwana ils amènent des choses du monde ya mdunia. C'est l'esprit qui règne au temps de la fin na njoro iyo natawala wakati ya mwisho. L'esprit règne où? Il est roi à toi là. Pas dans le bâtiment. Aina, ma bâtiment l'esprit apa. règne dans des hommes. Il est où? Une atawala ndani ya batu. Donc chacun de nous Usema, a intérêt wetu, à s'examiner kujangalishisha en toutes choses. Malgré l'état critique ou l'état lamentable de cet âge, atavili ali ya mubaya sana ya kizazi. Mais le Seigneur aussi, Bwana naye, voyant l'état critique et lamentable de cet âge, mukona i ali mbaya ya kuzunika, il a envoyé aussi une très grande lumière naye alituma nuru mkubwa pour permettre à ses élus njua kusaidia bateule yake de ne pas tomber dans la séduction. Bashanguke mutongozi. Amen. Amen. Et la parole de Dieu na neno la Mungu a été tellement ouverte pour nous en ce temps de la fin. Il quoi oase kabisa kwetu mwakati ya mwisho. C'est pour permettre à chacun de nous. Ni kusudi ya kuruhusu watia moja wetu. Il a fait une bonne expérience. Ule wakati anafanya onjo mzuri. Lui-même doit être témoin que réellement. Il n'y a pas qu'on a mshuhuda usema hakika. Je suis bénéficiaire d'un acte divin dans mon cœur. Niko na faidia tendo mwa kimungu ndani ya moyo wangu. Na mimi napata kitu moi, je ndani moi. Quelque chose de divin en moi. Regardez comment le Saint-Esprit parle. Mon gars, il est où? C'est frère Franck. Ninduku Franck. Apocalypse, un livre scellé de sept sceaux. Ufunu kitabu kengutu amuri saba. Dans page 22, Katasia qui a Kumnambi, ce sont des commentaires sur la septième lettre en rapport avec l'âge de l'Odyssée. Et na semezia barua saba et kongalia kizazi ya l'Odikia. Il dit ceci. Anasema hivi. Dans ce dernier âge de l'Église, mui kizazi ya mwisho, qui n'est ni chaud ni froid, kenye akina moto, c'est-à-dire qui est tiède. Il est nonchalant. Ils ne sont pas stables. Frère, ce n'est pas l'église en entier. La nonchalance, on la trouve chez des frères et chez des sœurs. Il est kutenkatenka qu'on a pas seulement parmi les laïcs. Aina pa kuambimba. Même parmi les conducteurs. Ata kuongozi. C'est un esprit qui va solliciter beaucoup de gens Niro, il est kunenda kubatu wa mingi. Qui se disent être croyants du Bale, message du temps de la fin. Benichaseme mujumbe wakati ya mwisho. Oui. Ndio. Et le Seigneur menace ceux qui ne se convertissent pas à lui de les vomir de sa bouche. Na bwana ekunambia sema bala baamini atibatapika mkinywa abu. En termes clairs, baigné abana na mushimamio muzuri. C'est qui ne sont pas stables. Soit aubambe bien mungu 100%. Tu ne tiens pas à la parole de Dieu à 100%. Na kama aubambe bien mungu 100%. Et si tu t'accroches pas à ce Dieu, muzuri kujafiche kungambwa shetani. Au tamien de t'afficher du côté du diable. C'est un âge hypocrite. Nikizazi kwa wanafiki. L'hypocrisie. Na unafiki. Ou la double nature. Wala ile asili wala masula mbili. On va pas la retrouver seulement dehors. Atesu ipate paka inji. On la retrouvera parmi les croyants. Tunaipata hata katika cha waaminifu. Sont des esprits. Ni maro. Et maintenant le Seigneur menace. Sabwana ona fokea wala kimea. Des gens comme ça le Seigneur menace de les vomir, c'est-à-dire de les rejeter une fois pour toutes. Batu bavile ansema tebatapika wala batupa mara moja kwa lote. Suivez maintenant page 23. Katasi ya makumi mbiri na tatu ufuate. La trompeuse supposition que l'on possède toutes choses en abondance. Il est kujizania kwa bongo sema tuna bitu biote katika hoteli. Kurilanda. C'est mentir, c'est non. Tromper. C'est-à-dire bantu bengo ne rilanda. Les gens sont en train de se tromper. Frère, nous avons la vérité. Donc shinjo tuna kweli. C'est la véritable église d'Akambo. Njo kanisa ya kwa kweli mkambo. Dieu nous a fait grâce. Mungu acha tufanyia neema. Tout ça c'est bien, ce sont de bonnes déclarations. Et hote ni mzuri misemo mzuri. Mais toi à qui Dieu a fait grâce? Lakini wewe mwenyewe Mungu alifanyia neema. Dieu vit-il dans ton cœur? Eti Mungu unaishi ndani yako? As-tu expérimenté ce Dieu-là? La grâce véritable est-elle avec toi? Ou bien c'est tout simplement des slogans comme voilà. Les politiciens le font? La trompeuse supposition que l'on possède toutes choses en abondance et que l'on n'a plus besoin de rien est réprimandée par le Seigneur lui-même. Que moi, arrêtez ces histoires de dire. Nous sommes dans l'enseignement fondé sur la Safi. Vous voyez, cela nous caractérise beaucoup. Il est joli de ton écanisme sana. Par rapport aux gens de la nouvelle lumière, tonnerre, tout ça. Nous connaissons, nous savons dévoiler leurs erreurs doctrinales. Même quand nous nous tournons vers les gens de dénomination ici. Nous savons dire ce qui n'est pas correct chez les pentecôtistes. Ce qui n'est pas correct chez les méthodistes. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Là, tu ne fais que constater le mal qu'il y a chez les autres. Mais que dit l'Écriture? Toi qui vois la poutre qu'il y a chez l'autre, maintenant, comment ne vois-tu pas la paille qu'il y a chez toi? Nous savons voir les erreurs de toutes les églises. Et même nous allons très loin. Nous commençons même à voir les erreurs de nos assemblées, sœurs. Mankosa ya mama kutano yetu tunaanza kuiona notre assemblée de Lubumbashi, notre assemblée de Lubumbashi, notre assemblée de Kolwezi. C'est nous-mêmes qui sommes devenus des ménages de Dieu. C'est nous qui avons la mesure de savoir que ça, c'est ça le christianisme, c'est ça. Oui, mais rassurez-vous, quand vous pointez les autres, les quatre autres doigts pointent à vous-même. Si on a pas chanté à qui moi, mais et là, nous sommes distraits. Nous croyons que le mal et les erreurs, c'est les autres. Nous, nous sommes irréprochables. Cela, le Seigneur a réprimandé. Et il prend l'écriture que nous avons lue. Tu ne connais pas... C'est Apocalypse 3 qu'on a lu. Nous faisons tout le tour. Le verset 17. On sait combien ça va. Parce que tu sais, tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable. Pauvre. Aveugle. Et nu. C'est très dangereux. Il est ni atari kabisa. Quelqu'un qui prétend tout avoir, qui se croit arrivé, qui se croit être en bonne santé spirituelle, qui croit que vraiment il n'y a pas de reproche quant à ma foi, qui croit vraiment être sur la bonne ligne. Mais quand le Seigneur le regarde, le Seigneur lui dit, tu ne connais pas, tu ne sais pas. C'est-à-dire, tu ignores ton état. Tu ignores ta condition. Tu ignores l'état de ta foi. C'est très dangereux. Il est ni attaqué. Maintenant, le Saint-Esprit par Franck dit ceci. Si dans le domaine naturel, quelqu'un est pauvre, dans la chair, quelqu'un est pauvre, aveugle, ou il est ni. C'est une mauvaise chose. Mais, laki, si il ne le sait pas, lui-même ne se reconnaît pas que je suis ni, je suis pauvre. Il dit, anasema, mais s'il ne le sait pas, s'il n'est pas conscient de son état, c'est que dans l'esprit d'une telle personne, anasema, muroya mutu aivi, quelque chose ne va plus. Amen. Maintenant, ça, lorsque vous reportez cela dans les domaines spirituels, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas avec notre foi. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un petit, un petit dessin. Tu as mis un dessin qu'à moi. Ça doit être... Oui, je crois que c'est quelqu'un qui avait posté ça. Ou on me l'a envoyé sur WhatsApp. Soit vous êtes même WhatsApp ou à la récapacité. Deux messieurs se tient là. L'impose la question à l'autre. Moi, à mon Il dit, tu sais ce que le monde doit faire? On a écrit le monde doit faire. Tu sais ce que Jean-Marie a fait? On a écrit Jean-Marie a fait. Il parle là, la réponse de l'autre, il lui dit, je suis tellement préoccupé de mes propres péchés, que ce que le monde a fait ou Jean-Marie a fait ne m'intéresse pas. C'était une très bonne leçon pour moi. Amen. Nous devons être tellement préoccupés de notre propre état, que ce que la sœur a fait ou le frère a fait, ça ne doit pas me préoccuper. Amen. Amen. Et l'écriture qui soutient cela, c'est dans Lamentation. Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3 verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? C'est-à-dire, tu te plains pourquoi à cause de la sœur ou du frère ou de nos assemblées sœurs? Le conseil du Saint-Esprit est celui-ci. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et chacun se préoccupe de son état. Et nous sommes dans cet âge où chacun doit se préoccuper de sa condition. Sois d'abord soucieux de ta foi avant de regarder à ce que font les sœurs ou les frères ou nos assemblées sœurs. Sois d'abord très préoccupé de ta relation avec Dieu. En termes simples, frère, si vous êtes un homme, dans sa parcelle, il y a plein de ordures. Mais il pointe la parcelle voisine. Dans la parcelle, il y a trop de herbes sauvages. Aujourd'hui, ils n'ont pas mangé. Mais c'est comment? Au lieu d'abord de s'occuper à bien quoi? Au lieu de s'occuper d'abord de sa propre parcelle. Bien pas voisin, à bien quoi? Mais c'est le problème de des voisins ne te concerne pas. Amen. Amen. Mambo ya dada, mambo ya frère. Le problème de la frère, de frère ou de la sœur, ya ça ne doit pas être le sujet de vos pensées. Souffrez d'abord pour votre salut. Souffrez pour votre foi. Souffrez pour vos expériences. Bon embarik. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Que devons-nous faire? Recherchons nos voies. C'est-à-dire, fuyez. Que chacun fouille d'abord ses propres voies. Tu es devenu comme le chef, le patron, le superviseur en train de regarder de gauche à droite. Fouille d'abord ta propre vie. Angarishisha maisha yako. Même moi qui parle, cela d'abord doit être ma préoccupation. Je dois d'abord fouiller ma vie, fouiller mon état, fouiller ma maison. Et tu verras que plus tu intériorises la chose, plus tu ramènes la chose à toi-même, à ta maison, tu verras que l'état est très grave. Et tu n'auras pas le temps d'ouvrir grandement l'œil chez la sœur ou chez le frère ou chez à nos assemblées sœurs. Tu auras de manière permanente un fardeau pour ta propre vie. Même quand quelqu'un fait quelque chose à côté, le Saint-Esprit lui-même, au lieu d'attirer ton regard là-bas, te montrera la gravité de ta condition. Et tu vas te taire. Souvenez-vous, on amène une femme adultère. Vous voyez les accusateurs comment ils parlaient. Maître, Mwalimu, que dis-tu on a sema pour de telles femmes? Moïse a dit, Moussa la parole a dit, le message a dit, il faut lapider. C'est-à-dire, il ne doit pas exister. Le Seigneur n'a rien répondu. Il est passé à la révélation. Frère, il a mené chacun à revoir sa vie et sa condition. C'est voie tortueuse et malhonnête. C'est bien que chacun a vu son problème et s'est dit, je ne peux pas pointer cette femme ici. Dans la condition qui est la mienne, je dois aller me repentir. Et chacun d'eux a quitté silencieusement. Et le Seigneur se relève. Pose la question à la femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Ils ont fui. Si nous devons avoir une telle conduite, dès d'abord, se préoccuper de ce qui me concerne, qui concerne ma maison, qui concerne ma relation avec le Seigneur, le Saint-Esprit, frère, te montrera toujours des failles qu'il faut réparer. Pourquoi? C'est pour te retirer de la distraction. Ninju ya kukutosha mkulengama. De ce qui se passe à gauche ou à droite. Ya ile inapitikana kushoto ala kuumi. Et nous devons être cette église. Na tunapashi kwa kanisa ile nami. Maintenant, pour que Dieu fasse cela, Njuu Mungu afike mkufanya vile. Faut d'abord que tu entendes. Inafai ushikie. Amen. Amen. Parce que c'est bien. Arrêtez la médisance. Oui, tout ça. Arrêtez. Nous pouvons le répéter. Mais le Saint-Esprit, il faut qu'il vienne en tant qu'enseignant pour te dire, regarde d'abord ta condition. L'autre a escroqué. Mais toi, tu avais escroqué pire que lui. Jusqu'à ce jour, personne n'était de découvert. Et tu vas te fermer ta bouche. Tu verras que il faut encourager celui qui est dans l'erreur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit continue. Dans toujours la page 23, vous comprenez que quand on amène la chose dans le domaine spirituel, l'état de quelqu'un qui est misérable, pauvre, nu, mais il ignore ce qui fait sa conscience est morte. Nikusema zamiri yake nisha kufwa. Amen. Amen. Ni mtu zamiri haitumiki. C'est un homme qui n'a pas de conscience. C'est un homme, vraiment, sa conscience n'est plus fonctionnelle. Parce que quand, ce qui fait la différence entre nous et les animaux ici, il est une toachanisha shibantu na banyama. C'est la conscience. Ni zamiri. Et cette conscience est là grâce à l'âme. Na, il est zamiri kwa konunju ya nafsi. Comme nous avons l'âme, ça veut tout na nafsi. L'âme a la conscience. Nafsi kuna zamiri. Amen. Amen. Les animaux n'ont pas ça. Banyama boba na hiyo. C'est pourquoi vous voyez, un petit peut monter sur sa mère. Jo unaona sema mutoto anaweza kupanda yule wa mamake. Amen. Amen. Et ils font ça, ils ont banyama, il y a un désordre sexuel. Na, kuna kwa fujo. Pourquoi? Parce que bon, ils n'ont pas la conscience. Joani, abana na zamiri. Ils n'ont pas la conscience. Abana na ili zamiri. Et voyez, na, muno. Même le Saint-Esprit, ataro mtakatifu, au temps de Paul, mwakati ya Paul, Acte chapitre 26. Matendo ya Mitume, makumi mbili na sita. Acte 24 plutôt, pas 26. Chapitre 24. C'était le souci de Paul en son temps. Acte 24, verset 16. Regardez, prenons le verset 14 d'abord. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Niku na kuwekea wazi kusema atavya tumikia Mungu wa baba yangu kufuatana na njia ile inaita sema ni secte. Kankunji. Kakundi. Kankunji tu kama c'est comme ça que on traitait le christianisme à ses débuts. Ku mwanzo je anza kuita kikristo sema ni kakundi. Kruaya tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Mkuamini ile yote cha kuandikiwa ndani ya sheria na katika mabii. En Dieu cette espérance. Mwenye kuya na imatumaini ndani ya Mungu. Comme ils l'ont eux-mêmes les Juifs. Sawa vile Bayuda wenyewe kunayo. Qu'il y aura résurrection des morts. Ya kwamba kutakuwa ufufuko ya wafu. C'est pourquoi. Kwa maana. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Kila wakati nuna jikaza njuni kwa na zamiri ya bila kemeo mbele ya batu na mbele ya Mungu. C'était ça le fardeau pour Paul. Jori kuya muziko ya Paul. Comme il y aura résurrection. Sabile ufufuko itakuya. Comme je crois au Seigneur Jésus. Sabile minamuamini Bwana Yesu. Et il y aura enlèvement. Na ukianyuliwa kutakuwa. Je m'efforce chaque jour. Kila siku nuna jikaza. J'examine ma conscience. Nangarishisha mawazo yangu. Na wakati ya mili yangu niambia sema. Tes sentiments ne sont pas corrects vis-à-vis de mundo. Mania yangu haina mzuri mbele ya Mungu. Regarde tes pensées vis-à-vis de fidélité. Angalia bila kuna waza kumbele ya dafu fidélité. Regarde tes intentions vis-à-vis de Rebecca. Angalia bila kuna waza kwa Rebecca. Regarde ce que tu murmures. Angalia bila kuna sema chini chini. Paul disait aye aye aye. Paul anasema hapana. Je risque de rater la l'enlèvement. Mina wezi kukosa kunyanyuliwa. Et il était préoccupé. Na ilikuwa ni angaiko. Nabi Mujima, il était préoccupé par ça. Si bien qu'il n'avait pas le temps de regarder ce que Mundo a fait, ce que Fidelia a fait, parce que le travail de la conscience est permanent. Il y a eu un travail de la conscience qui a été mis en place pour lui. Amen. Amen. C'est un travail permanent. Il y a eu un travail de la conscience. Tu es distrait. Ou tu es distrait. Les démons eux viennent injecter des choses. Ma démon yo inakuwa kuingisha tena bitu. Paul dit aye. Paul anasema hapana. Je dois surveiller ça chaque. Mina pas kwanza kuangaisha hii wakati la wakati. Quelle est ma relation avec Dieu? Mapatano yangu na Mungu uje. Quels sont mes sentiments avec les frères et les sœurs? Kwanduku yangu na dada yangu. Qu'est-ce que j'ai murmuré dans mon cœur? Ni nini nawaza ndani ya moyo wangu? C'est un travail de chaque jour. Ilikuwa ni kazi ya kila wakati. Même si tu apprends que la sœur là est tombé dans l'adultère. Sema ataka monashikia se dada fulani anakuwa msharati. Sema ah Mungu byangu mbele hapa bishaku nipita. Sema ah c'est son problème moi j'ai encore mes problèmes aussi. J'ai mes problèmes qui me surpassent, qui me dépassent. Comment est-ce que je vais me préoccuper de ces problèmes? Tu seras un homme ou une femme ou t'as comme un homme ou la mamouké, pratiquant tout le temps la prière. Pourquoi? Tu veux tout le temps être propre. On appelle qu'il a quatre ou quoi ça fait. Bon embarik. Que Seigneur bénisse. Le Saint-Esprit continue. Rome tagatif nindele. Oui, reporter cela dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Dans ces derniers âges trompeurs, ce qu'il y a de tragique, il est quoi ya mubaya kabisa. Il est quoi mou mbaya de tragique. Et le fait que l'on prétende quelque chose, que l'on cherche à se persuader, à s'imaginer quelque chose, qui n'existe au fond pas du tout dans la réalité. Nikusema huko ni juazia wala huko ni jipatia kitu kimoa akikala kie kombia kweli. Akinako. Akinako. Huko ni juazia sema. Tu te prétends? Non, n'écoute bien. Je suis bien. Mais alors que on a bien? Et pourtant que tu n'es pas correct. Parce que on connaît ça c'est huko bien, il n'a pasteur Ngoi. C'est lui qui va te dire que tu es correct, ce n'est pas le pasteur Ngoi Ndai ou ce n'est pas les diacres. C'est lui qui va te montrer que tu es bien. C'est le Seigneur Jésus. Or Yesu kama na kukaribia. Quand Jésus s'approche de toi, tu verras que je ne suis pas correct. Seigneur unurumie. Bwana pardonne-moi. Bwana mbariki. Que le Seigneur bénisse. Wakukwatikisha kusema. C'est lui qui doit te confirmer que repose-toi, là, tu dois aller au ciel. On n'a pas ce que nous mingu. C'est Jésus. Ni bwana Yesu. Mais tant que Jésus ne te le dit pas. Mais wakati yote Yesu ashakwambia. Tu dois travailler. On n'a pas ce que tumika. Tu dois travailler. On n'a pas ce que tumika. Maintenant la condition de cet âge. Sakali ya l'esprit dominant de cet âge. Ule roho kuna tawala kizazi. Chez les frères et chez les sœurs. Banduku na badada. C'est l'esprit de se donner des choses. Niro ile ya kujipatia bitu, ya kujizania, de prétendre, ya kuwazia, et de se persuader, na kujiona kusema, qu'on est quelque chose, ushakuwa kitu alors qu'en réalité, katika ukweli, on ne l'est pas. Hauna kile kitu. Ça devient très compliqué. Ya kuwa mambo ya nguvu. Et ça interpelle chacun de nous. Na ile ina pasi kwa amusha zamili ya kila mmoja. Bonsoir pasteur ou qui? Kwe pasteur ou ala nani? Je dois me retirer dans mon coin. Mina pasi kujikota mungambo yangu. Il faut pas que je sois en train de me tromper. I find it danganya. Unisaidie. Aide-moi aussi. Chacun de nous désirera le secours d'en haut. Atatafuta kupata msaada ya kumbingu. Amen. Amen. Utaona na kuona sasa. Verrez que je pense que je ne suis pas correct. Et tu remarqueras que il y a beaucoup de frères et sœurs qui me dépassent dans la foi. Tu vois comment le Saint-Esprit fera? Le Saint-Esprit te dira par rapport à tout le monde, toi tu es le dernier. Regarde celui-là, regarde celui-là. Maintenant, tu ne vas pas, tu vas plus voir des erreurs dans les autres. Tu diras alors je dois me mettre au travail. Amen. Amen. Tu dois te mettre maintenant au travail. Maintenant regardez. Ngare ça. Être nu. Kuya utupu. Et ne pas le savoir. Na aujua se ona mavazi. C'est-à-dire la conscience ne fonctionne. Nikusema zamiri yako haitumiki tena. Or. Japo. Frère Branham lui-même il dit. Du Branham mimi ansema. L'amnésie spirituelle. Mu malaria kusabu akiro. Il dit ceci. Ansema hivi. Amnésie spirituelle prêchée le 11 avril 64. Malaria kusabu akiro ya le 11 avril 1964. Il dit, voyez ce que fait cette maladie-là. C'est moni qui l'est imagine. Quand quelqu'un ne sait pas et ignore son état. Wakati mtu ashijue na nakosa kujua hali yake. Il dit, page 8, citation 18. Voyez, Moni, un peu plus bas. On oublie parfois ce que l'Église chrétienne. Tout le monde sait que c'est ma canisse qui Christ nini. Ou pour Christ nini. Voilà la chrétienté même. On agit comme le monde. Tout le monde sait que tenda ça va m'dunia. Cela montre qu'on a l'amnésie spirituelle. Il est où nous sommes dans la malaria au sabo. Parce qu'on n'agit pas comme un chrétien. Ou tenda ça mon Christ. On agit comme le monde. On attenda ça dunia. On reçoit le cœur du monde. On a pokia roho ya mdunia. Il dit c'est cela qui arrive. Sema njole unafika. C'est-à-dire. Sema. On oublie que un chrétien. Tunaanza kusawa sa mu Kristo. Une chrétienne. Kristo wanamuke. La loi de Dieu. Sheria ya Mungu. En lui. Ndani yake. Le pousse d'abord à faire le nettoyage de sa propre vie. Una musukuma apate kusafisha wala kutengeneza maisha yake mwenyewe. Au lieu de cela, nous agissons même comme les politiciens. Regardez les politiciens. C'est de lui de pèse. Parle du mal de l'autre camp. Et aussi, jette les réflexes là-bas. Vous ne trouverez pas parmi les politiciens. Il les convoque pour dire convoquons d'abord une convention, Asima, un congrès. Disons-nous la vérité. Est-ce qu'on dirige bien? Est-ce que ce que l'autre camp dit, bah, ngambo, il n'y a rien de vrai là-bas? Akuna frère, bah, politicien, ah, bah, donc, les politiciens, ils s'en foutent. Ils sont là, parle, rien ne marche. Ils parlent toujours du mal de l'autre. Ils ne parlent pas de l'autre. Si bien que, c'est ce que vous trouverez, unezukuta, autour des chefs de l'État, il y a toujours des flatteurs. Kando kando ya raisi, kupa au lieu qu'on lui dise la vérité, pare ya kumwambia ukweli, que les choses ne vont pas dans le bitu pays. Abendake mzuri mwichi. Non, non. Bea mulanda, landa, non, ça va. Non, bitendeka. Elle parle toujours. Bo wanasemaka tu. Mais au lieu de prêter attention, pare ya kushikute kangalisho, à ce que l'autre camp dit, non, non, elle s'enferme toujours dans l'erreur. Bo, benjifungia pa mwankosa. Qu'on va lui dévaler. Bon embarig. Seigneur bénisse. Et l'église. Na kanisa. Frère Branham continue, il dit ceci. Attendez, je venais de lire. Ah, voilà. Et que dire, page 7 maintenant, au milieu là-bas. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous, il dit ceci, attendez. Que dire si cette chose horrible vous arrive? Il y a kukosa kuvumbula état yako. Manke ya kukosa kuangaikia état yako. Manke se préoccuper pour son état. Asi malari mubaya kama la kubamba. C'est vraiment une mauvaise maladie. Pourquoi? Joanine. Vous ne soyez pas capable de vous rappeler qui vous avez épousé. Auna tena na nguvu kukumbuka ta ni nani ulorio wala sio. Qui est votre épouse? Wanaku bibi yako nani? Qui est votre mari? Wanaku nani? Qui sont vos enfants? Watoto wako ni banani? Qui sont votre père et votre mère? Babako wala mamako. Qui est votre voisin? Jirani wako nani? Asimeni ali mubaya. C'est vraiment un état très malheureux. Parce que tu ne sais pas faire la distinction. Bibi yako kwapi? Ta femme elle est où? Ton mari est où? Batoto wako bekwapi? Tes enfants où ils sont? Ni état mauvais, mon ou presque mon écoufa. Vraiment malheureux, c'est quelqu'un qui est presque mort. Et il dit, Nasema, c'est ça la condition de l'église aujourd'hui. C'est-à-dire, Sema, et les frères, Nabandu, et les sœurs, Nabadada, et les prédicateurs, Nabaoui, et les conducteurs, Nabaongozi, c'est-à-dire tout ça, tout n'allait pas Sema, nous sommes tous comme enivrés. Vous voyez quand quelqu'un est ivre, Mutuka, il perd le centre de gravité. Ananza kupotesha, akuna na tout droit. Il y a pas moyen qu'il puisse marcher. Ananza tout droit. Il va commencer à kulewa, et quand on lui pose la question, lorsqu'il va tomber dans une fosse, il va accepter après la mort. Mais quand on a monné ça, attention. Non, il ne fait pas attention. Ashkia, maintenant regardez notre état. Wangaisa aliyetu. Nous ne devons pas découvrir est-ce que pendant qu'ils sont en train de prêcher, et je suis correct pendant que catholique. Je suis en train de je suis correct pendant que je parle de frère et de soeur, je suis correct aussi. Nous devenons comme des perroquets. Nous parlons. Il y aurait même que si on m'appliquait la même mesure là, je ne suis pas en mesure de me tenir. Tachimama. Bon embarik. Que Seigneur bénisse. Et c'est comme ça que l'Église agit. Frère Franck continue. Ah, il est déjà presque temps. Ce qui ressort de la répréhension faite par le Seigneur ou de la réprimande faite par le Seigneur, ce qui leur manque le jugement et le discernement spirituel réel. Amen. Amen. Ce qui fait, les gens ne voient pas les choses d'une manière correcte. C'est pourquoi, du commande, nous voyons seulement de l'autre côté, et de l'autre côté aussi, devant et derrière. Mais là où vous-même vous tenez, vous ne voyez pas que vous êtes dans une condition malheureuse. Je dirais comme frère Deborah disait. Nami tasema sandu Deborah. Mungu atusaidie. Que le Seigneur nous aide. Mungu atusaidie vraiment. Que le Seigneur nous aide nous. Je ne sais pas évoluer. On continue demain. Comme il n'y a pas de visiteurs jusqu'à ce que le pasteur revienne. Je prendrai tout mon temps sur ce sujet. C'est un sujet qui a beaucoup d'ouverture. Et chemin faisant, vous allez le constater. Maintenant, que faire? Chacun de nous doit d'abord rentrer en soi. Et dire Seigneur, réellement je suis trop attiré par ce qu'il y a du dehors. Au lieu de m'occuper de ma foi, de ma relation avec toi, je suis tellement intéressé à ne prêter oreille qu'à ce qui se dit, ce que mes yeux voient. C'est tout ce qui na, c'est ça qui fait ma nourriture. Maintenant, dès ce jour, on essaie de aide-moi. Vraiment, que je puisse remettre d'abord toutes choses en moi. Na, kama et si tu pries la royauté, tu verras que votre condition est tellement mauvaise. Et tu te diras que je suis destiné à la mort. Normalement, je ne pas et pourtant, je n'ai pas le droit d'ouvrir même ma bouche. Même quand je danse dans l'église, mieux vaut m'asseoir seulement. Parce que je ne mérite pas. Je suis taïli. Mais alors que je parle des autres, et pourtant, dans ce moi, ma condition est tellement lamentable. Je ne sais pas comment Satan m'a aveuglé. Et je me suis aveuglé, Satan est pauvre fouche. Effectivement, c'est Satan et qui fait Akika, ça. Et c'est le diable qui fait une affaire ville. Le Dieu de cet âge. Tout Hachimam. Nous levons. Akika Yesu mwamba nguvu nitasimama kwake Yesu kwa saya tabu na mateso nitasimama kwake. Oh Yesu, Yesu, yewe, peke ni mwamba nguvu, kwako nificha, kunikoa. Yesu, Yesu, yewe, peke ni mwamba nguvu, kwa siku ya. Oh, come. Mungu. Tutaomba Mungu. Prions.